The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Video games. Le jeu vidéo. To be worried sick. Se faire un sang d'encre. To let know beforehand. Prévenir. School report. Le bulletin de notes. Distracted. Distrait. Uninteresting. Inintéressant. To skip classes. Sécher. To confuse. Confondre. To be born yesterday. Être tombé de la dernière pluie. Excuse. L'excuse. Grounded. Privé de sortie. Now, a bit faster. To confuse. Confondre. Grounded. Privé de sortie. To let know beforehand. Prévenir. Distracted. Distrait. Video games. Le jeu vidéo. School report. Le bulletin de notes. Grounded. Privé de sortie. School report. Le bulletin de notes. Video games. Le jeu vidéo. To let know beforehand. Prévenir. Grounded. Privé de sortie. Uninteresting. Inintéressant. To confuse. Confondre. To be worried sick. Se faire un sang d'encre. Distracted. Distrait. School report. Le bulletin de notes. To be born yesterday. Être tombé de la dernière pluie. To skip classes. Sécher. Distracted. Distrait. To let know beforehand. Prévenir. Grounded. Privé de sortie. Uninteresting. Inintéressant. Grounded. Privé de sortie. Distracted. Distrait. Now, use the words in context. Se faire un sang d'encre. She was worried sick for nothing. She got good grades on all her exams. Elle s'est fait un sang d'encre pour rien. Elle a obtenu des bonnes notes à tous ses examens. Inintéressant. That is the most unexciting film that I have ever seen. C'est le film le plus inintéressant que j'ai jamais vu. Sécher. I frequently skipped class when I was in high school. Quand j'étais lycéen, je séchais souvent les cours. Confondre. Sorry, I thought you were somebody else. Pardon, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre. Être tombé de la dernière pluie. He thought that I was born yesterday and tried to sell me that CD for 50 euros. Il a cru que j'étais tombé de la dernière pluie et a essayé de me vendre ce CD à 50 euros. Inintéressant. That is the most unexciting film that I have ever seen. C'est le film le plus inintéressant que j'ai jamais vu. Sécher. I frequently skipped class when I was in high school. Quand j'étais lycéen, je séchais souvent les cours. Confondre. Sorry, I thought you were somebody else. Pardon, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre.